je n'éprouvais plus ce sentiment de la communauté du malheur qui m'avait autrefois inspiré. De cruelles expériences et la maturité de l'âge m'avaient révélé le besoin de me distinguer de ce peuple de brigands dont je méprisais les secours et l'abominable langage. Décidé, quoi qu'il en pût advenir, à prendre parti contre eux dans l'intérêt des honnêtes gens, j'écrivis à M. Henri, chef de la 2e division de la préfecture de police, pour lui offrir mes services sans autre condition que de ne pas être reconduit au bagne, me résignant à finir mon temps dans quelque prison que ce fût. Les dernières galères du roi avaient depuis longtemps pourri dans les eaux des ports, mais les forçats restaient pour tous des galériens. Occupés à des travaux pénibles, souvent inutiles. C'est ce qu'ils appelaient aller à la fatigue. Didier de Nynx, je vous ai demandé d'être le compagnon de route de ces 20 émissions sur les héros de romans noirs français, parce que d'abord vous êtes un auteur de romans noirs vous-même, et que vous avez donc lu, connu tous ces héros, et qu'ils vous ont un peu marqué, certainement, pour ce qui sera plus tard. Vous avez lu enfant ou adolescent, certains récemment, parce qu'on va voyager dans le temps. Mais enfin, ils vous ont marqué. Alors, pour commencer, le premier, le père fondateur, bien sûr, c'est le seul personnage de cette série qui n'est pas un personnage de fiction, qui a existé vraiment, c'est Vidocq. Oui, Vidocq, c'est pas un personnage de fiction, et en même temps, c'est pratiquement la matrice de toute une lignée de personnages de fiction. Donc, il y a tout un tas d'auteurs qui vont s'inspirer de la vie de ce personnage, qui fonde un petit peu l'image du double dans le roman policier. C'est-à-dire un personnage qui est passé par le mal, et qui se met, soi-disant, au service du bien. Moi, il me fait penser à une formule moderne qui est le vrai-faux policier. Le vrai-faux passeport, là, c'est le vrai-faux policier. Donc, c'est quelqu'un qui va un petit peut détourner sa fonction quand il sera chef de la sûreté pour, en fin de compte, faire du chantage et essayer d'asseoir sa propre statue. Donc il y a ça qui m'intéresse vraiment chez Vidocq. Et j'arrive pas à séparer ce personnage-là de choses modernes qu'il y a chez Vidocq, c'est-à-dire qu'il écrit ses mémoires, donc ses mémoires font autorité, et ça a été écrit par des nègres. Donc on sait qu'il y a ces éléments-là aussi, c'est-à-dire que dès le départ, ce personnage n'arrête pas de truquer sa vie, il a truqué la justice, il truque tout comme ça, et c'est pour ça qu'il est fascinant pour les romanciers. Pour vous, parce que c'est les mémoires du roman populaire, du roman picaresque, que c'est une qualité littéraire pour vous, l'écrivain, dit de Nynx. Non, j'ai lu ça vraiment comme je lis énormément de livres historiques. C'était vraiment le côté historique, voire un petit peu, sachant que c'était un personnage réel et ne sachant pas que ce qui était écrit était de la fiction, puisque ça avait été retravaillé par des pros de la plume à l'époque. Donc j'ai lu ça vraiment comme un éclairage sur cette époque, sur la manière pour un type d'accéder aux plus hautes sphères du pouvoir et de maquiller complètement son passé de bandit. Donc il y a ces choses-là, c'est la manière de se rendre honorable par le chemin littéraire. C'est-à-dire que Vidocq s'est pas senti honorable en accédant à chef de la sûreté, il savait qu'il faisait la même chose que quand il était bandit, mais il s'est rendu honorable par l'écriture. Et ça, la rédemption par l'écriture, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Eugène François Vidocq, Vous avez été tour à tour voleur, corsaire, acrobate, escroc, bagnard, indicateur de police, chef de la sûreté, directeur d'une agence de détectives privés, homme de lettres et commerçant. Vos nombreux exploits ont inspiré la plupart des auteurs de romans noirs et de romans policiers, mais à la différence de leurs héros, vous avez bel et bien existé. Et pas qu'un peu. Belle et longue vie d'aventure, riche en événements. Bien plus d'événements que dans beaucoup de romans picaresques. À tel point que je suis devenu plus célèbre que bien des personnages inventés. Bon, j'en conviens. Vous êtes né à Arras en 1775. Un an après l'avènement de Louis XVI. J'avais 14 ans le jour, ils ont pris la Bastille. L'âge idéal pour connaître la gloire par les armes. Bon, je veux bien, mais à 14 ans, vous faisiez vos premières armes en volant dans la caisse de votre père qui était boulanger. Et ce n'était pas si facile. Le tiroir était fermé à clé. Au début, je me compliquais les choses. J'enfonçais une plume de corbeau enduite de colle dans la fente qui servait à mettre les sous. Résultat, je ne récupérais que des petites pièces, menu butin. Savez-vous alors ce que j'ai fait ? Je vous écoute. C'est simple. J'ai fait fabriquer une fausse clé. Depuis ce jour, j'ai toujours conservé le sens pratique. Ça veut dire, je ne suis pas mécontent que mon père ait pu me prendre sur le fait. Il m'a flanqué une raclée et il m'a mis à la porte. Libre. J'étais libre. Et vous êtes aussitôt devenu voleur professionnel. J'ai aussi été soldat. Des deux côtés, c'est vrai. Mais à Valmy, Kellerman m'a nommé caporal. Caporal, à 16 ans. J'ai aussi combattu à Jemmap. J'aurais pu être un Kléber ou un Murat si des histoires de femmes... Oh, des duels... Enfin, j'ai déserté. J'ai rejoint les bandes de pillards qui terrorisaient la région, les chauffeurs du Nord. Je me faisais appeler Rousseau. Cette époque était bonne pour la rapine, avec toute cette confusion liée à la Révolution. Surtout sous la Terreur. C'était vraiment rentable d'être voleur en ce temps-là. Vous n'agissiez qu'en bande ? Non. J'aimais faire cavalier seul. Très vite, j'ai acquis de l'expérience et en faisant du théâtre, j'ai appris à me déguiser et à me maquiller. Très utile, ces camouflages pour changer d'identité. Le plus efficace est de se mettre en femme. On passe partout. Cet art de se travestir vous sera utile également plus tard, dans la police. Je me suis toujours déguisé. Quand une méthode est bonne, on la garde, que l'on soit chasseur ou chassé. D'ailleurs, j'ai été aussi acrobate, corsaire, ouvrier. Quoi que j'ai fait alors, cela me fut utile quand je suis devenu policier. Et même le bagne. On vous a envoyé à celui de Brest et à celui de Toulon. Et vous vous êtes évadé plusieurs fois. Et l'on me reprenait le bagne. C'était alors pire que la mort. On en sortait plus dur et plus mauvais que lorsqu'on y était entré. J'ai vu de pauvres gars qui étaient au bagne pour avoir volé un pain. Et quand ils s'évadaient, ils étaient devenus des meurtriers. Avez-vous été un assassin ? Moi ? Oui, vous, Vidocq. On l'a dit, mais c'est faux. D'accord, j'aurais pu le devenir. Ma chance a été de changer de vie. Et pour un forçat en rupture de ban, la seule manière de changer de vie, c'est de collaborer avec la police. Alors là, comment ont réagi vos compagnons de bagne ? Oh, j'étais Vidocq le Mouchard, Vidocq Judas. Moi, je n'en souffrais pas. Tout ce qui comptait à mes yeux, c'était de passer la ligne. Difficile. On se méfie autant des mouchards dans la police que dans la pègre. Celui qui m'a sauvé, c'est Fouché. Il estimait que les voyous repentis étaient les seuls capables de pourchasser les criminels. Il n'avait pas tort. Je devins un grand policier. Oui, l'une de vos méthodes favorites était de vous infiltrer dans une bande pour en forcer les membres à commettre un délit. Cela tient de la provocation. Dites, ce sont des malfaiteurs. Je les connais mieux que vous. Tôt ou tard, ils auraient mal agi. Moi, je rendais service à la société en les poussant au crime et en les arrêtant ensuite. Ce qui compte, c'est le résultat. La police d'alors ne savait rien de la pègre. Moi, ancien bandit, je connaissais le langage des forçats et les 100 manières de cambrioler et de rançonner. Normal. Ma documentation était de première main. Et jamais d'état d'âme? Jamais. Je combattais des criminels. Pas seulement des criminels. En 1832, vous intervenez contre les insurgés. Vous étiez donc pour Louis-Philippe? J'étais surtout contre le désordre. Je ne supporte pas le désordre. Quand les émeutes ont éclaté, je me suis aussitôt rendu chez le préfet Gisquet. Ensuite, avec quelques-uns de mes hommes, j'ai aidé à réprimer cette révolte. J'ajoute que si l'on m'avait laissé faire en 1848, la révolution aurait eu moins d'ampleur. Enfin, le pouvoir s'en est rendu compte un peu tard, mais je ne suis pas rancunier. Et j'ai accepté de me faire jeter dans un cachot pour espionner et démasquer plusieurs responsables de l'insurrection du 13 mai. Au cachot, il y a 73 ans. Et j'ai réussi. Quand vous étiez chef de la police, avez-vous eu des ennuis? Oh, beaucoup. Les truands mettaient ma tête à prix et les politiques voulaient ma peau. En 1827, je fus même remplacé par un autre bagnard, Coco Lacour. Un scélérat. Il est retombé dans le crime et j'ai repris ma place jusqu'à ma démission en 1832. Alors, ils furent nombreux à vouloir me compromettre. À 68 ans, je fus condamné à 11 mois de prison. J'en suis sorti ruiné. Ruiné. Mais pas découragé. Vous inventez la première agence de détectives privés. Pourquoi? C'est simple. Dès le Premier Empire, il y a eu plusieurs polices et contre-polices. Quand j'étais chef de la police, et les malfaiteurs n'étaient pas à la fête, je suis un homme de terrain et je prenais des risques pour coincer les voyous. Mais à la Restauration, la police traque uniquement les suspects soupçonnés de comploter contre le régime. Ils désertent les bas-fonds et les bourgeois ne sont plus protégés. Donc, j'ai eu l'idée de créer une agence de détectives privés pour établir un peu d'ordre. Par la suite, et pas seulement dans la littérature, la police privée prendra de l'importance. Mais à l'époque où je crée cette agence, je le fais par vocation. Le respect de la loi me guide. Je suis fidèle à ma notoriété de policier. Enfin, votre notoriété repose moins sur vos exploits dans la police que dans la description de votre vie de voleur et de forçat dans vos mémoires, publiées en 1828. Mémoire un peu romancée. Oh, quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende. C'est d'ailleurs l'origine de tous les mythes. Peut-être que j'ai fait tout ce qui est écrit dans ces volumes. Peut-être pas. L'essentiel est que Vidocq est devenu le modèle, l'original. Vous avez pourtant désavoué vos mémoires. C'est que deux individus m'ont trahi dans cette affaire. L'héritier de l'un et Maurice Descombes ont rédigé mes mémoires dans un style déplorable. Si vous aviez lu mes livres, ce que j'ai écrit avec cette main-là, vous sauriez que je suis bien un meilleur styliste que ces deux journalistes. Bon, moi j'ai lu Les Chauffeurs du Nord, mais en êtes-vous bien l'auteur véritable? Prouvez le contraire, si vous le pouvez. Bon, j'insiste pas. Je reviens sur les mémoires. Succès immense. Pourtant, d'autres vies de bannière avaient déjà été publiées. Ouais, en thème collé. Un mythomane qui se prenait pour un génie du crime. Un tout petit escroc dont on a romancé les délires en 1820. Un menteur. Et Pierre Coignard? Coignard, un gaillard intéressant. À peine mon aîné. Forçat en rupture de banc, malin, ancien soldat, habile à se déguiser et à obtenir de vrais papiers en utilisant de fausses attestations. Moi, je trouve qu'il vous ressemble énormément, ce Coignard. À la différence près que je l'ai arrêté moi-même en 1827 et renvoyé définitivement au bagne. Ce fut facile. Un forçat m'a indiqué sa cachette. J'ai toujours utilisé des indicateurs. Mais il est vrai que Pierre Coignard était plus pittoresque que cet idiot dans Thème collé. Et l'époque aimait bien les brigands. Les régimes se succédaient trop vite. La police était d'abord une police politique, comme je vous l'ai déjà dit. C'est bon pour la canaille, de telles situations. Mais aujourd'hui, qui se souvient de Collet ou de Coignard, à l'exception de spécialistes comme vous ? Personne. Alors que, Vidocq, la postérité... Et que pensez-vous des écrivains qui vous ont pris comme modèle ? Des charognards. Ils ont volé mes descriptions de tous les bas-fonds, usé de l'argot n'importe comment. Tenez, Eugène Sue. Je l'ai connu, celui-là. Il écoutait ce que je lui racontais, mais il buvait mes paroles. En fait, il ne comprenait rien. Ces mystères de Paris, infect. Dans la réalité, son prince Rodolphe aurait eu la gorge tranchée en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire. Je lui ai d'ailleurs répondu dans un roman injustement oublié. Les vrais mystères de Paris. Vous êtes sévère. Eugène Sue a inventé tout un univers. Parfois même, certains de ses personnages préfigurent les détectives qui déduisent au lieu de deviner. Le mystère de Paris est un livre étonnant. Eh ben, moi, ouais, il ne m'a pas étonné. Bon. Et les Mohicans de Paris d'Alexandre Dumas ? Rien à voir avec Eugène Sue. Alexandre était un ami. Il a transcendé ce qui était en vrac dans mes mémoires. J'aime beaucoup la transposition qu'il a faite de moi dans son Jacal. Tout au long des Mohicans de Paris, il met ainsi en relief mon sens de la déduction. Il n'est donc pas de l'avis d'Edgar Poe. Et qui c'est celui-là ? Ben, pour beaucoup, Edgar Poe, c'est l'inventeur du roman policier. Allons bon ! Et moi qui croyais que c'était moi. Écoutez, dans Double assassinat dans la rue Morgue, Poe met en scène le chevalier Dupin. Un détective parisien qui critique vos méthodes. Il les trouve maladroites, insuffisantes. Il dit que vous devinez plutôt que de déduire. Il n'a jamais été policier, votre Edgar Poe. Le côté documentaire, il n'y a que ça de vrai. La preuve, il n'y a jamais eu de rue morgue à Paris. Oui, mais enfin... C'est... Je connais toutes les rues de Paris, moi. Je sais de quoi je parle. Je l'ai dit à Dumas après avoir lu son conte de Monte-Cristo. Il invente que l'abbé Faria, du fin fond de son cachot, reconstitue le complot ourdi contre Dantès. Moi, je lui ai dit, Alexandre, c'est une jolie performance littéraire, mais enfin, c'est pas réaliste. Bon. Et est-ce que vous avez vraiment connu Hugo ? Victor ? Je lui ai raconté le monde du bagne et cette façon dont boite l'ancien forçat à cause de la chaîne qui le rattache à ses compagnons d'infortune. Ce détail fut repris dans son livre et feuilleton. Passons. Je lui ai également raconté comment la pègre savait s'organiser à Paris. Et il vous a pris comme modèle pour Les Misérables ? Pour Jean Valjean et pour Javert, les deux. Mais ils sont loin de moi. Javert est un fanatique qui se suicide par honte. Moi, jamais eu d'état d'âme. Et Valjean est une victime. Peu crédible, un forçat jamais repris. Un symbole, pas une réalité. Et le Vautrin de Balzac ? Je m'y reconnais assez. Il fait imparablement partie de ma postérité. Mmh. C'est agaçant la postérité, sous tant de masques. Il est vrai que je me suis déguisé toute ma vie pour travailler. Avec ce qu'on m'a inventé, je m'y perds un peu. Surtout que personne ne parle jamais des méthodes que j'ai inaugurées et qui sont à la base de la police moderne. On a oublié aussi mes écrits. Un jour, on découvrira que j'ai inventé l'école naturaliste. Oui, mais votre marque sur la littérature populaire... Oh, ça m'a pas empêché de mourir ruiné. Sue, Dumas, Féval, Hugo, Balzac et tous les autres. Ils ne m'ont pas donné un sou de droit d'auteur. Pourtant, c'est moi qui ai mis le crime à la mode. Vous semblez bien amer. J'ai apporté l'honorabilité au statut de mouchard. J'ai fait trembler les fortes têtes et rêver les timides. Pendant quelques années, j'étais aussi puissant que Fouché. On m'appelait le Napoléon de la police. Et après, j'étais resté bandit. On respecterait davantage. Auriez-vous pu rester un malfaiteur ? Non, Non, je voulais cesser d'être traqué. En traquant les autres. Voler est moins enrichissant qu'on le croit. En tant que chef de la sûreté, je gagnais beaucoup plus d'argent. Mais enfin, vous êtes le père fondateur du roman policier, que vous le vouliez ou non. Vous êtes le sauveur du feuilleton et du roman populaire. Vous êtes le modèle. Peut-être, mais Vidocq n'a eu de modèle que lui-même. En vérité, j'étais un pauvre bouc qui risquait sa vie au milieu des brigands. Que je sois avec eux ou contre eux. Toujours la peur au ventre. Souvent dans le froid d'un cachot, boulé aux pieds, mille misères. J'ai payé de ma personne, moi. Mais les autres, confortablement assis devant leur écritoire avec un bon feu de bois dans la cheminée, un café chaud à portée de la main, la pipe bourrée de tabac fin, sans compter les quelques nègres qu'ils exploitent pour parfaire leur style. Moi, c'est autre chose, non? Non? Vous en portez. Moi, je n'ai pas cessé de porter ma croix, de m'exposer pour que chacun dorme en paix. Personne ne le conteste. Je vous dis qu'on l'oublie. Vidocq aventurier, peut-être. Vidocq mouchard, j'admets. Vidocq hableur et menteur, parfois. Mais Vidocq bon policier, toujours. La légende ne compte plus. Il n'y a que la pègre qui m'est respectée. Vous noircissez le tableau. Mais je ne crois pas. Regardez les romanciers d'aujourd'hui. Ils expliquent comment devenir un délinquant. Moi, j'informais le bourgeois pour qu'il se protège. Et le public? Le public finit par préférer ses détectives en chambre qui découvrent le coupable selon des indices révélateurs. Il le trouve sympathique et il croit qu'en observant le sol, en y découvrant la trace d'un pas, on peut déduire que le criminel mesure 2 mètres, a les yeux bleus, fut militaire au Transvaal, mange des tripes à la mode de camp tous les vendredis et a à l'ongle de l'index droit un carnet d'un mâle blanc. Vous caricaturez, Vidocq. La police scientifique... Ne te foutaise. Il n'y a jamais eu, il n'y a pas, il n'y aura jamais de vraie police efficace sans informateur. Mais enfin, calmez-vous. Ce n'est pas dans une chambre close qu'on démasque un assassin. C'est stupide. On découvre les meurtriers en infiltrant la pègre. Et ce n'est pas en restant assis chez soi qu'on écrit un roman policier. C'est en allant risquer sa vie sur le terrain, comme je l'ai fait, comme tous les bons policiers le font. Bonsoir, monsieur le défenseur de la police scientifique. Mais Vidocq, voyons. C'était Héros du roman noir français. 20 émissions de Noël Simsolo, réalisées par Dominique Costa. Aujourd'hui, Vidocq, avec la voix de Cyril Robichet et de Didier Deninx. Archive, INA. Équipe technique, Jean-Louis Boissonnade, Yves Builly, Jean Fèvre, Agnès Varnier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 juillet 1991. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.